C'est une lettre ouverte au tribunal. Un an de prison en 2014. Vous plaidez comment ? Avada Montalip, je me proposais pour avoir la garde de mon petit, venir le récupérer pour le week-end. Tout se passe à merveille, mais je suis constamment dérangé au téléphone, des fois sur un rangement. J'avais mon petit 2-3 jours, vu que l'entente se passait mal, j'ai composé un dossier pour mettre les choses en règle et informer le changement de situation familiale. J'ai présenté les papiers à la personne concernée, mais sans succès de signature. Et là, tout a commencé et basculé. Je réclamais la garde de mon petit, mais les rendez-vous étaient compliqués. J'ai été convoqué à la gendarmerie. Nouveau dossier, empreinte digitale, photo de tatouage. Les flics sont venus chez moi à plusieurs reprises, soi-disant à des problèmes avec la mère, alors que je pensais à cette situation et de garde. Sur ce que j'ai pu encaisser par amour ironique, comme vomir le jour de son anniversaire, allez hop, en prison. Demi-clé sortie, j'apprends les changements de situation. Première chose, mon petit est déplacé. Je rencontre les services concernés. Pas de problème, on discute, c'est gagné. Je vais avoir mon petit bout. À nous, la famille et surtout, je voulais continuer à être le père adoré de mon petit. Changement de situation, mutation, nouvelle venue, on va tout reprendre de zéro. Et là, la personne sortie de son diplôme, sans enfant, et se partage tout compte ambigu. Faire un métier comme garagiste, mais avec des Playmobil, bref, rien ne va plus. On vient de m'enlever mon petit. Oui, il ne voulait pas rentrer à la famille d'accueil. Vous avez mis des ponts entre lui et moi. Pour vous trouver des excuses et avancer. Moi j'ai pas eu ma chance, alors je vous ai fait des signes et des dessins sur quoi j'étais capable. 36 ans, bac pro, avec ma son, bien.